Mesdames, Messieurs, nous allons commémorer l'anniversaire des 80 ans de la capitulation allemande par un dépôt de gerbes. Gerbes du Conseil municipal des jeunes par Roxane et Lucas. Garde à vous. Présenté. Arme. Gerbes de la ville de Saint-Martin-Boulogne par Monsieur Raphaël Jules, vice-président de l'ACAB, maire de Saint-Martin-Boulogne, accompagné de M. Guillaume Pruvot, premier adjoint. Nous allons à présent nous rendre au monument aux morts accompagné du réveil musical.